écouter comment nous avons préparé de la manière la plus sérieuse cette émission, comme tous les jours. Oui, je sais, c'est mignon l'outil. Salut les amis. Salut Charlie. Voilà, papa pensible. Non. Et comment ça, non? Bah non. Écoute, on est très déçus, voilà. Le mercato se termine et on n'a pas changé de club. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde dans l'équipe. Bah, ça, c'est un réflexe que j'ai pas. Tu devrais. D'accord. Martial pour 80 millions d'euros à Manchester United. Ouais, bon, il sait même pas où c'est Manchester sur une carte de l'Angleterre. Mais pour 80 millions, moi, je te le trouve, Manchester. Moi, si Europa m'avait proposé 80 millions, j'aurais trouvé aussi, vite fait. Ouais, vive la gauche, voilà. Non, mais c'est ça le mercato. Et l'amour du club dans tout ça. Oui. Mais bon, 80 millions quand même. Voilà, c'est vrai. Moi, si RTL me met une valise de bifton. Ah ouais, la fameuse valise RTL, quoi. Oui, mais donc ce Martial là, attends, parce qu'il il vaut plus que Zidane. Oui, ça, c'est l'inflation, ça. Aujourd'hui, Patrick Cohen au mercato vaut plus que Jacques Chancel. Ouais, mais ça, c'est. Okay, voilà. D'accord. Mais bon, voilà, il n'y a pas pour travail. Non, on ne peut pas travailler quand on sait que des types sont achetés 80 millions d'euros. Et les petits Chinois qui travaillent pour 10 cents de l'heure chez Nike, alors. Là, ça ne dérange pas, ça. Parce que je peux te dire qu'au mercato, ils rêvent pas d'aller bosser pour l'usine Adidas. Cela dit, il faut quand même se mettre en tête qu'aucune radio ne vous a contacté. Alors, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Ah bon. Radio Dijon, ils sont prêts à me faire signer un gros contrat. Radio Dijon. Oui, quand il y a une grosse info sur Repsamen, c'est les premiers, n'empêche. Exactement. La grosse info sur Repsamen, elle est passée. Bon, allez, le mercato, c'est fini, papa, on bosse. Et toi, alors? Quoi, moi? T'en as eu, toi, des propositions au mercato? Tu la vois, la valise, là? Oh non! Il y en a encore trois autres dans le placard. Non, t'as signé pour Manchester? France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui surfacture l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir sur la paille jusqu'à 18h. Pour sa première prise de parole de l'année, la porte-voix de Les Républicains a relayé la position du parti sur la crise des réfugiés, c'est-à-dire la fermeture de l'espace Schengen. À la boulette. En effet, le sommet pour le climat, c'est demain, dans moins de 80 jours. Les priorités se dessinent. Le président de la région Île-de-France, Claude Bartolone, tire la sonnette d'alarme sur les problèmes de circulation. Oh, il avance le gros con et sa bagnole, là. C'est pas vrai, ça. Claude Bartolone, candidat pour les régionales. Après le tour du monde en 80 jours, voici le tour du terrain pour 80 millions. Il s'appelle Anthony Martial et, tel un esclave, il a été vendu à Manchester United pour devenir le maître du mercato. Ah ouais, le foot, c'est ma vie. Pour vous dire, je suis sorti par les pieds quand je suis né. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est capable d'écrire un sketch tout en draguant la stagiaire, c'est très fort. Alex Vizorek. Merci de me dénoncer. Bonjour, Charline Van Hoenacker. Mettez vos mains sur le bureau. Aujourd'hui. Il fait très bien les deux. Oh, vous demanderez la stagiaire. Autour de la table, belle équipe. À 17h20, c'est notre rendez-vous science. Et science pointue, puisqu'elle est capable d'expliquer tous les phénomènes, à part cette règle qui dit que quand Nicole Ferroni explique quelque chose, on se pose plus de questions après qu'avant. Oh. Comment va Nicole Ferroni? Mais je vais très bien. Et aujourd'hui, nous parlerons intelligence, peut-être. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Je me réjouis de découvrir. Et poulpe aussi. Et poulpe. Je pense que vous êtes jalouse de la stagiaire. À 17h30, la semaine dernière, il est allé interroger des gens qui pensent totalement l'inverse de lui, des membres du MEDEF. Oui. Aujourd'hui, il a été interrogé des gens qui pensent exactement comme lui, des enfants. Oui. Bonjour Guillaume Meurice. Oui, bonjour Alex, vous avez raison. Bonjour Charline. Moi, je vais vous parler de la morale à l'école. Je suis donc allé à la rencontre des élèves. Je suis la première de ma classe. Gna. Les salopes de gamins. Je les déteste. Et à 17h40, le mauvais élève de cette rentrée, on lui demande juste de voir un film et d'en parler. Lui, en plus de faire séance buissonnière, il a toujours un scénario plus personnel à nous conter. Mais comme ici, on aime bien les cancres, on est ravis de le retrouver. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour. Quel film vous n'avez pas été voir cette semaine? Un film qui est de l'autre côté de la frontière, que j'ai pas vu. Et donc, je vais parler style. Très bien. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République pour lui mettre la pression. Vous êtes né sous De Gaulle, vous entrez à la Comédie Française en 94. C'est l'année où Kasparov est battu aux échecs par un ordinateur, alors qu'aujourd'hui c'est pire, il est battu par Poutine. Votre carrière au cinéma démarre dans Captain Conan de Bertrand Tavernier en 96, l'année où Malraux entre au Panthéon. C'est le transfert le plus célèbre après celui d'Anthony Martial à Manchester. Vous jouez dans Braco en 2009 quand Barack Obama obtient le prix Nobel de la paix, sans doute pour son action pacifique en Afghanistan. Je vais vous laisser dire de votre douce voix qui vous êtes. Je suis Samuel Le Bihan, enchanté et ravi d'être ici. Enchanté. Wow, ça fait beaucoup. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous dites ça parce que hier vous étiez chez Hanouna. Ah, oui, on vous a aussi. Vous êtes Samuel Le Bihan et demain soir sur France 2 à 20h55, vous êtes Alex Hugo. C'est une collection de fiction de 90 minutes. L'épisode de demain s'appelle « Comme un oiseau sans ailes ». Et en effet, au début, il y a une nana qui se crache en sautant à l'élastique. Donc, comme un oiseau sans ailes, le titre est très bien trouvé. Alors, c'est un flic qui vit isolé dans la montagne. Oui. Donc, c'est déjà un cadre assez original pour un flic qui est sur une affaire donc, où une fille se crache en saut à l'élastique. Et puis, il y a une autre fille qui se détache de son parapente. Non, mais l'intrigue est assez spéciale. Ça donne vachement envie. Hein. J'ai vraiment envie de voir là, quand je l'ai entendu. On croit un suicide, mais ça n'en est pas un. Voilà. Là, je me dis, je fais mal les pitchs, moi, mais là, elle me saborde la série. C'est dégueulasse. Vous allez pouvoir y répondre. Le précédent épisode a fait vraiment un carton, 4,5 millions, quasiment 4,4 millions de téléspectateurs. Ouais, on va dire, avec ce pitch-ci, c'est pas gagné. Vous rattrapez le scandale. Alors, première question, si t'es comédien et qu'à 50 ans, t'as pas joué un rôle de flic, est-ce que t'as raté ta carrière? Ma première question. Et c'est vrai que ça doit bien m'aller, le costard de flic, parce qu'après tout, ou les voyous, ce qui doit pas être si éloigné que ça finalement, mais c'est ça qui est rigolo dans ce métier, c'est qu'on poursuit le jeu de gamin qu'on fait quand on joue aux cowboys indiens, aux flics, aux voyous, aux voleurs. C'est la même chose, sauf que les déguisements sont un peu plus sérieux et que on est payé pour le faire. Alors, comme je vous ai pas aidé pour le pitch, je vais vous aider un peu quand même. J'ai trouvé en regardant l'épisode comme un oiseau sans ailes. Pour moi, c'est l'anti Braco. Vous avez joué dans Braco en 2009, qui est le maître étalon de la fiction française. Ouais. Mais qui en même temps est caricaturalement noir. Mmh. Ici, vous êtes dans la montagne, vous avez tourné dans le parc national des Écrins, et vous êtes un flic qui semble équilibré, mais il est reclus dans la montagne quand même. Tout se fait sur ce fond de nature que vous affectionnez d'ailleurs en tant que défenseur dans l'environnement, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est un peu l'anti-braco aussi, ça. On prend quand même un peu d'air par rapport à la noirceur des policiers. C'est vrai qu'on est habitué au polar urbain. Et un peu anxiogène. Là, on est vraiment on bascule dans une nature omniprésente. D'ailleurs, la montagne en soi est un personnage quasiment de la série. Et on s'aperçoit que c'est un territoire d'intrigue et de suspense formidable. Justement, où un univers qui serait a priori calme et paisible, finalement c'est la mythologie américaine dans on le retrouve beaucoup dans les séries américaines ou des films. Justement, on utilise la nature comme un endroit un petit peu dangereux, comme un personnage, comme un personnage à part entière. Et... donc là, il y a du bouquetin, il y a de la tartiflette. ouais, il y a beaucoup d'aventures. On est là pour donner envie aux gens. Hein, regardez. Oui, non, mais il y a ces femmes qui meurent en se jetant dans le vide. Il y a ce flic qui était peinard à la montagne. Mais ça développe. Qui s'était retiré un petit peu. Non, on a changé de rythme là d'un coup. C'est comme si on s'était un peu endormi. J'étais ailleurs. Ça permet de développer une autre intrigue par rapport au polar urbain. C'est que là, alors je rigolais un petit peu en disant c'est la nana qui se crache en saut à l'élastique ou qui se détache en parapente. Ça n'est possible que dans ce cadre-là. Donc forcément, il y a ça. Ça ouvre le champ des possibles pour une autre intrigue que ce qu'on voit d'habitude à la télévision. Oui. Et puis c'est justement dans l'endroit où on est isolé, donc on devient aussi des proies faciles. Donc on découvre aussi des cadavres, ça des histoires, des mystères, des choses anciennes aussi. On le sait, on voit même des corps qui apparaissent sur les glaciers des années après. Enfin voilà, la montagne est source d'aventure. C'est un vrai territoire d'aventure d'ailleurs. Et d'intrigues et policières aussi. Alors, il y a un précédent policier qui avait fait un carton d'audience sur France 2. Le policier était interprété par François-Xavier de Maison, qui est votre pote que vous produisez pour son prochain spectacle. Il venait dans cette émission et il disait « Dans les séries policières, il faut parler comme ça. Il y a un braquage Porte de la Chapelle et le braquage a toujours lieu Porte de la Chapelle. » C'est bien aussi l'anti... Alors, vous ne parlez pas comme ça dans Non, pas du tout. Vous êtes vous-même, vous êtes plus frais. Ouais, non, je devrais donner un accent un peu sombre. Non, mais le personnage est assez atypique quand même. Il a une sensibilité particulière. On sent qu'il s'est éloigné de la ville justement parce que je pense qu'il n'arrive pas à hiérarchiser ses émotions et particulièrement une espèce d'empathie qu'il a avec les victimes. Et finalement, le fait de s'isoler, c'est aussi de s'éloigner de la civilisation. C'est aussi une façon de se protéger pour lui. Et il aurait tendance, justement, à ce personnage à s'isoler de plus en plus. Ce qui est intéressant, mais on ne sait pas ce qu'il fuit, il est ce qu'il recherche. Il est ça, louche, c'est la double intrigue, c'est découvrir la faille du personnage. Voilà. C'est la collection, ça s'appelle une collection, Alex Hugo. L'épisode de demain, comme un oiseau sans ailes, sur France 2 à 20h55. On quitte le silence de la montagne pour la musique des White Stripes sur France Inter. Army des White Stripes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Samuel Le Bihan. Et de pas mal d'autres comédiens. Nous avons du Hippolyte Giraudoux, nous avons de on en a, on en a, on en a. Et nous avons c'est du Guillaume Meurice. Il y en a, mon petit bonhomme. Il y en a, des petits Guillaume aussi. Il y en a, il y en a. Et place à la désinformation décomplexée. C'est le journal de presque 17h17. C'est pas faux. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres de cette édition. Rentrée des élèves aujourd'hui, notre envoyé spécial est sur place dans les écoles. C'est moins cher, moins dangereux et moins intéressant que de l'envoyer en Syrie. Nicolas Sarkozy accompagné Carla Bruni en Argentine. L'un avait une conférence, l'autre un concert. Ils ont assisté à la prestation l'un de l'autre. On ne sait pas pour qui le séjour fut le plus pénible. Et on terminera par du sport et des brèves. Et même pour le plus grand plaisir d'Alex, des brèves de sport. Et on commence tout de suite comme les autres journaux. Nous avons envoyé un journaliste dans une cour d'école. Vous êtes au collège Nadine de Rothschild de Versailles, Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Écoutez, tout se passe bien ici. J'ai interrogé pas mal d'enfants. Célestine m'a dit, je la cite, trop cool. Jean-Eude m'a dit également, j'aime bien les vacances à Deauville, mais j'aime bien aussi l'école. Quant à Marie-Charlotte, elle témoigne, exclusif. J'espère juste que je n'aurai pas Madame Christine. Merci, oui, merci Guillaume. Guillaume, s'il y a du neuf, n'hésitez surtout pas à interrompre ce journal. Oh hein. Bah non, disons que ça risque pas. La récréation est prévue demain à 10h et ne devrait a priori pas être déplacée. Merci Guillaume. Passons aux changements qui surviennent en ce 1er septembre. Oui, 1er septembre, à partir d'aujourd'hui, la limite autorisée de paiement en liquide baisse. Elle passe de 3000 à 1000 euros. Mauvaise nouvelle pour Patrick Balkany. Passons à Jacques Gaillot. Il sera reçu par le pape aujourd'hui. L'ancien évêque d'Évreux avait été démis de ses fonctions pour avoir encouragé le port du préservatif. Le prêtre revient sur cet épisode dans la presse et déclare « Durex, c'est de l'ex ». Le pape François, qui continue son combat en faveur de l'écologie, il lance, ouvrez les guillemets, une journée mondiale de la prière pour protéger la création. Jacques Gaillot a réagi également, je cite, « pour protéger la création, utiliser une capote, pas la calotte ». Ah, et on reprend, la direction des écoles. Guillaume, vous avez bougé très rapidement. Oui. Vous êtes au lycée Samuel Le Bihan de Plougastel. Oui, tout à fait. Tous les petits bretons sont là pour cette rentrée, Alex. Donc voilà, formidable. Et y a-t-il une nouveau dans les programmes Non, ici, pas de problème. Voilà. Les journées ne changeront pas. Très bien. À 8h, cours de breton, oui. Jusqu'à 10h. Oui. De 10 à 12, voile. Oui. De 12 à 14, cours de chouchène. De 14 à 16, taille de menhir. Et de 16 à 18, préparation de la galette. Et évidemment, de 18 à minuit, on se colle une bonne race en famille. Merci Guillaume. Si l'horaire de l'atelier galette venait à évoluer, n'hésitez surtout pas à refaire un point sur la situation. Non, a priori, en Bretagne, il n'y aura pas de neuf pour les 50 prochaines années. Merci Guillaume. Et on en vient cette visite du couple Sarkozy en Argentine. Oui, Nicolas Sarkozy a assisté au concert de Madame. Oui, effectivement, et elle avait même, Carla Bruni, réécrit une chanson spécialement pour l'Argentine. On me dit que des boches sont cachées par ici. Moi, je trouve ça moche d'énoncer des amis. C'est peut-être juste des gens qui aiment les voyages. Depuis 44, profitent du paysage. Pourtant, quelqu'un m'a dit... S'il en restait encore, c'est un ami, un certain Wolfgang Pastor. Serait-ce possible alors? Merci Alex pour ce concert de Vincent Delerme. C'est toujours un mix. C'est toujours un mix entre les deux. Oui, sport à présent, un but fantastique a été marqué hier. But de 40 mètres a été tiré lors d'un match qui se déroulait en Équateur. Oui, le ballon a atterri dans l'hémisphère sud. Et bien sûr, félicitations à Anthony Martial qui quitte Monaco pour Manchester. Oui, toutefois, son compte en banque, lui, est maintenu à Monaco. Voilà, et on retrouve une dernière fois Guillaume. Vous êtes cette fois au lycée Coulchen de Seine-Saint-Denis. Oui. Écoutez Alex, je me trouve actuellement dans un lycée de banlieue, effectivement. Et donc la rentrée se passe comment? Ça s'est bien passé. D'accord, mais encore, on va développer. Mais tout va bien, là, c'est calme, il n'y a pas de problème. Mais Guillaume, vous êtes où exactement? Pourquoi vous chuchotez là? Mais je suis caché sous un bureau de la salle des professeurs, juste à côté du gymnase où le prof d'éducation physique a été pris en otage par des élèves de CM2. Figurez-vous, il avait proposé de faire de la gymnastique au lieu d'un foot. Ça évidemment. Rappelez-nous, dès qu'il y a du neuf. J'espère qu'il y aura du neuf, la police devrait arriver. Soyez prudent, merci Guillaume. Mais à demain peut-être pour une nouvelle édition. En attendant, Samuel Le Bihan nous accompagne jusqu'à 18h. Si vous n'étiez pas informé, hop, directement, et cette vague d'informations qui vous tourne dessus. Oui, j'ai failli partir. Vous descendez de la montagne, vous êtes Alex... caricature sur les bretons dans le froid. Alors, qui a écrit ça? Un breton qui a le plaisir de travailler à la montagne, on le verra demain dans Alex Hugo sur France 2 à 20h55. Et on va aborder avec vous le premier sujet. Si on écoute leur porte-parole, les Républicains sont pour la fermeture de l'espace Schengen. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, on ne sait pas. Nicolas Sarkozy, lui, y avait déjà songé, donc on ne sait pas. Il était en tout cas donc à Buenos Aires à la fin de la semaine dernière pour une conférence à 100 000 boules. Il a donné son expertise sur la crise des réfugiés. C'est vrai que c'est une référence en la matière, donc ça devait au moins valoir 100 000 boules. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Pourquoi ceux qui savent ne parlent-ils pas? Parce que ceux qui savent, savent qu'ils ne savent rien. Donc ils se taisent. Mais alors, ceux qui ne savent pas, ils parlent de quoi? De tout, donc de rien. Des lendemains qui chantent, un extrait du film avec André Doucelier. Alors Samuel Le Bihan, vous nous avez dit, mais comment est-ce que vous allez trouver l'entrée satirique pour traiter de ce sujet de la crise des réfugiés? Mais écoutez, voilà, grâce aux Républicains. Sarkozy, hein, non, grâce aux Républicains, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'avec une conférence, avec 100 000 boules de la conférence, on doit pouvoir aménager quelques tentes en toile à Calais, quand même, hein, dans le camp qui se dessine. Mais soit. Samuel Le Bihan, j'imagine qu'en tant que citoyen européen, qui est engagé aussi dans l'humanitaire, etc., c'est un sujet qui vous touche comme nous tous. Là, c'est l'Allemagne qui donne une leçon, qui prend le leadership moral. C'est-à-dire qu'Angela Merkel estime que l'absence de solidarité face à l'afflux de réfugiés remet en cause les fondements de la construction de l'Union. Mais où est la France? En dehors de Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui prend le problème à bras le corps. C'est quand même la patrie des droits de l'homme. Vous dites pas zut, encore les Allemands. Vous dites zut déjà. Est-ce que vous dites zut dans la vie? Je dis flûte aussi, oui, des quand fois. Même, c'est violent. Ça perd une popette. Quand je suis très énervé. Non, mais le problème, il est beaucoup plus large. Effectivement, l'Afrique a été relativement déstabilisée. On voit ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye. Donc tout ça crée aussi des vagues de déplacement de population. L'Europe est un endroit extrêmement attractif. La France, l'Angleterre, donc. Et ça fait partie de ses valeurs aussi, vous trouvez? Oui, oui, c'est ce que dit Angela Merkel. Les valeurs de l'Europe sont bafouées si on n'accueille pas les réfugiés. Il faut accueillir, il faut aussi informer, il faut aussi sur place, là-bas, se poser les questions sur les infrastructures, les besoins. La solidarité, elle n'est pas uniquement sur l'accueil, elle est aussi sur une espèce de prévention, une conscience en tout cas plus internationale sur le problème, parce qu'on le voit à la fois par le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que ça va provoquer des déplacements de population, ça va créer des crises, des crises qui vont enchaîner des conflits, qui vont créer des déplacements. Donc il faut déjà commencer à construire ça, à l'anticiper. Vous êtes engagé dans l'humanitaire, vous avez été notamment au Darfour, en Côte d'Ivoire. Alors quand c'est Sean Penn et Georges Clooney, la terre entière est au courant. Mais alors vous, c'était un petit peu plus discret, vous étiez pas. Comment ça? C'est notre Sean Penn et notre Georges Clooney. Quel a été le déclic pour vous de l'humanitaire? C'est par Jean-Christophe Ruffin que j'avais rencontré, on avait discuté. Il était président d'Action contre la faim à l'époque et il m'a entraîné justement dans cette association. J'étais membre du conseil d'administration et du coup je suis allé sur le terrain et j'ai essayé de comme personnage public, de voir dans quel angle, en tout cas, on pouvait parler de leur travail, qui était assez formidable, et justement sur des endroits où il y avait des crises humanitaires. Étiez aussi porte-voix. Oui. Avec toutefois moins de moulettes que chez les Républicains. Oui, non, mais j'ai fait des petits articles, moi, dans VSD, dans Paris Match. J'ai fait un film sur la Mongolie, sur les enfants qui dormaient dans les sous-sols en Mongolie. Et un envoyé spécial aussi, voilà. Donc voilà, avec mes moyens, en tout cas, j'ai essayé d'avoir un regard et de le transmettre. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, puisqu'on abordera le sujet de l'environnement, de la COP21, et on reviendra sur vos engagements humanitaires. D'accord. Et environnementaux. Car pour l'heure, qu'est-ce que c'est cette expression pour l'heure? Je ne dis jamais ça, moi. Je suis commencée à être contaminée par l'heure. Oui, formule. Nicole Ferroni, tout simplement. Écoutez-moi, depuis ce matin, j'ai vu que 12 millions d'élèves avaient repris le chemin de l'école. Cette année encore, malheureusement, le panier moyen de rentrée scolaire est en hausse, 190,42 € contre 189 l'an passé. Donc il me semblait quand même nécessaire de reposer la question de la rentabilité de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que l'argent qu'on investit dans la rentrée de nos enfants peut être mis à profit, et sinon comment faire pour qu'il le soit? Dans la mesure où l'argent dépensé pour le matériel scolaire peut être rentabilisé seulement si l'enfant est intelligent, s'il a des bons résultats, j'ai cherché par quels moyens scientifiques on pouvait rendre plus intelligents nos enfants. Rentabilise. Voilà, et donc il y a deux actualités scientifiques de la semaine qui ont retenu mon attention. D'abord, cet article publié dans la revue Nature qui traite de l'intelligence du poulpe. Un poulpe, un animal qui a de grandes capacités cognitives, puisqu'un poulpe est capable d'ouvrir des bocaux contenant des objets et de prévoir certains résultats résultats sportifs lors des Coupes du Monde de foot, les années non bissextiles. Et, contrairement à une fille, voilà. Une fille sait faire ni l'un ni l'autre. Hein, vous avez remarqué, ça. Guillaume, vous allez avoir mon point dans la... sexiste voilà. De l'émission. Donc cet article concerne le poulpe de variété type Octopus bimaculoides, hein, le poulpe à deux taches comme cette émission, et nous apprend que si ce céphalopode est plus intelligent que ses autres cousins mollusques que sont les escargots, les palourdes et moi-même en fin d'été lorsque mes cuisses se dilatent par la chaleur du soleil et présentent un aspect flasque, et ben, si ce poulpe est plus intelligent que les autres mollusques, c'est parce que son génome, son patrimoine génétique est très développé. Les chercheurs ont constaté qu'il contenait 33 000 gènes codants pour des protéines, là où l'homme n'en a que 25 000. D'où mon idée très judicieuse d'enrichir le génome de votre enfant avec du génome de poulpe. Pour cela, comment faire ? Ne surtout pas nourrir votre enfant avec une salade de poulpe ou des encornés farcis, puisque le génome du poulpe contenu dans le plat serait digéré et non intégré à celui de votre enfant. Évidemment. Non, l'idéal serait que l'un de ses deux parents, donc vous ou votre conjoint, soit lui-même un poulpe, ou à défaut, sans envisager le cas du poulpe tuteur légal, peut-être fauter avec un poulpe exceptionnellement, afin de sauver l'un de vos enfants. Ça vous est déjà arrivé, ça. Voilà, donc c'est un acte adultère, certes, mais qui pourrait donc permettre de donner naissance en fait à une progéniture qui serait plus adaptée scolairement parlant. Si maintenant cette éventualité de poulpe fiction ne vous plaît pas, une autre piste intéressante évoquée cette semaine dans la presse scientifique, à savoir celle de la souris. Donc là, c'est le magazine Neuropsychopharmacologie qui nous apprend que des chercheurs ont créé une souris super intelligente en modifiant un seul de ses gènes, celui qui code pour la protéine phosphodiestérase 4B. Alors, qu'est-ce que cette phosphodiestérase 4B ? C'est une protéine impliquée dans le développement de l'hippocampe. L'hippocampe, pas l'animal, mais la partie du cerveau qui se nomme ainsi. Et qui est une protéine dont on constate que lorsqu'elle est diminuée ou amoindrie dans son action, la souris devient plus intelligente. C'est-à-dire, en inactivant cette protéine chez la souris, les chercheurs ont observé que celle-ci a de plus grandes capacités de mémorisation, plus de facilité à trouver l'issue d'un labyrinthe. Ce qui veut dire qu'en temps normal, cette protéine contribue à rendre con, tout simplement. N'ayons pas peur des mots. Or, cette phosphodiestérase 4B existe aussi chez l'homme, d'où mon idée d'optimiser votre enfant en inactivant toutes les phosphodiestérases contenues dans son cerveau. Gros problème, le cerveau humain contient 100 milliards de neurones. Il va donc être très difficile de détruire manuellement toutes les molécules de phosphodiestérase 4B dans chacun des neurones de votre enfant d'ici demain. Ce qui veut dire que votre enfant sera très certainement très médiocrement intelligent pour toute l'année scolaire. D'où mon idée de ne pas désespérer. Et dites-lui bien, si tu ne peux pas être souris, eh ben souris, fais des sourires, sois aimable, gentil, ouvert d'esprit, bienveillant avec les autres. Car finalement, dans notre monde de brutes et de violence, est-ce que bientôt, gentillesse et bonheur ne seront pas la vraie intelligence ? Oh, merci Nicole Ferroni. En ce jour de rentrée, une ex-enseignante qui du service public. Voilà. Il y a un moment, ça a ripé, elle est devenue humoriste. Voilà, ça a ripé, on ne sait pas. L'éducation nationale, ça ripe très très vite. Allez, nous sommes avec Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Alex Vizorek et notre invité Samuel Le Bihan jusqu'à 18h. Thank you. Aujourd'hui, vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Samuel Le Bihan. Vous pouvez le voir demain dans Alex Hugo. Il enquête sur France 2 à 20h55 avec le magnifique cadre du Parc des Écrins. Aujourd'hui, vous pouvez m'entendre. Oui. Et il enquête France aussi, Inter. Guillaume Meurice, dans un autre registre. Tout à fait, tout à fait. C'est jamais coupable. On va voir, c'est sûr. Et bien oui, en ce jour de rentrée scolaire, moi je voudrais vous parler de morale, hein, puisque vous le savez, il y a désormais des cours de morale à l'école. Ce sont les députés qui l'ont décidé, hein, ce qui est en soi une excellente blague, bien sûr. Encore que, il y a une morale à l'Assemblée. D'ailleurs, à force d'interroger des hommes et des femmes politiques, je pense être en mesure de pouvoir vous donner un cours de morale politique. Alors, ouvrez bien vos cahiers et fermez bien vos gueules. Ah. Oui, avec moi, c'est à la Finkielkraut. Hein. Moi, j'ai tout lu de lui pour savoir comment parfaitement éduquer un élève. Alors, aujourd'hui, première leçon, faute avouée est-elle à moitié pardonnée? Commençons avec une petite fille. Quelle est sa plus grosse faute? J'en fais jamais. Voilà, alors on commence fort avec le mensonge. Vertu morale très prisée en politique. Hein. C'est même la base de la pratique politicienne. La petite a tout compris. Elle me l'a dit droit dans les yeux, à la Cahuzac. C'est nickel. Poursuivons ce cours avec une collégienne qui nous avoue sa plus grosse faute également. Je sais pas, peut-être gruger dans le bus ou gruger dans le métro. Mais pourquoi, t'avais pas l'argent pour payer? Si, mais je sais plus. Voilà, très bien également, on poursuit ce cours avec une autre belle vertu, l'abus de bien social. Usage plébiscité dans la morale politique, on connaît l'adage, qui vole un œuf, vole un bœuf, qui vole en falcon, vole le contribuable. Bien vu, mademoiselle, bon potentiel, mais ça reste un petit peu timide quand même. Poursuivons avec un collégien. Alors moi, c'était avec mon frère. Un matin, il voulait quelque chose, je lui disais non, parce que ma mère m'avait dit non, parce que j'ai dû garder, j'étais tout seul. Et à un moment, il a insisté. Et du coup, à un moment, je commence à me fâcher. Il continue. Du coup, à un moment, ça part un peu. Et à un moment, je donne une grosse fessée. Mais au niveau du visage, du coup, il commence à pleurer. Et après, il s'arrête de pleurer. Et après, il m'a plus dérangé de toute la journée. Voilà, on progresse. Une grande tarte dans la gueule de son frère pour être peinard. On progresse bien, c'est bien, je suis content. Une attitude qui n'est pas sans rappeler les rapports Sarkozy-Fillon, un Valls-Montebourg, etc., etc. Une attitude indispensable pour se faire une place dans un parti politique. Alors, c'est bien, mais je dirais quand même, peut mieux faire. Voyons avec cet autre élève, un lycéen, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pété le bras de ma sœur deux fois. Ah oui, deux fois quand même. Deux fois quand même. Ouais. Mais genre, c'est une passion, tu t'amuses à péter le bras de ta sœur? Non, c'est involontaire, mais une chose en entraînant une autre, puis elle est un peu fragile. Donc. Le même bras? Ça, je sais pas. Je vais l'alterner un petit peu pour qu'elle récupère l'un avant de se faire casser l'autre, donc je pense. Voilà, alors là, on a à la fois pété le bras de sa sœur, donc ça, c'est très bien, parfait. Avec, vous l'avez noté, une alternance gauche-droite dans la démarche, qui n'est pas inintéressante, qui n'est pas sans nous rappeler Éric Besson, qui est, vous le savez tous, un maître dans le domaine de la morale politique. Des questions? Qui ça? Éric Besson. Bah, je me rappelle. Vous ne suivez pas, Van Hoenacker. Vous ne suivez pas, élève Van Hoenacker. Bon, on continue. Je pense qu'on peut aller encore plus loin avec cet autre élève de CM1. C'était en vacances, c'était à la mer en Corse. Il y avait un petit qui me jetait du sable, je savais pas pourquoi. Donc je me suis énervée, je lui ai mis la tête sous l'eau. J'étais un peu énervée. Mais je l'avais calmé vu que c'était un plus petit que moi, donc je savais le maîtriser. Voilà, alors là c'est parfait, on rentre dans le cœur même de la morale politique, savoir humilier les plus faibles. Très très bonne initiative de la part de ce jeune homme, qui a déjà des bases solides dans le domaine. Il peut postuler à Sciences Po dès l'année prochaine sans problème, ça c'est nickel. Bravo, alors l'essentiel c'est d'agir ainsi, bien sûr, mais sans se faire choper. Et ça marche pas toujours. Alors comment réagir? Réponse avec cet autre élève. En fait, j'ai eu un conseil de discipline cette année. J'étais accusé de trucs que j'avais pas fait, mais au final, j'ai pas fait grand chose quoi. Mais en fait, t'avais fait quoi quand même? Ah, rien. J'étais accusé d'avoir d'avoir frappé un petit moi alors que je l'avais pas fait. Enfin, si je l'avais fait, mais. Voilà, alors là, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux. Humilier un plus petit que soi, mais s'en foutre complètement. Après avoir menti au conseil de discipline, c'est parfait. Alors lui, s'il ne devient pas prof à l'ENA, moi, je veux bien m'engager à me faire fouetter par Alain Finkielkraut pendant qu'il me récite le Coran en allemand. Pardon, je devrais pas raconter mes rêves à l'antenne. Donc excellent jeune homme, bravo. Alors bien sûr, on objectera que ce genre de comportement fait monter les scores du Front National. National. Peut-être, mais le Front National est aussi concerné par ce cours de morale politique. Exemple avec la petite boulette de cette lycéenne. Non, c'est parce que j'avais pas appris mon cours d'histoire géo et donc sur le DST, j'ai essayé de réfléchir. Et en réfléchissant, je me suis dit que pour que les gens adhèrent au nazisme, il fallait qu'il y ait une idéologie de bien-être. Donc j'ai mis le bien-être. Mais je suis pas nazi. Hein. Voilà, très très bon. Parler du bien-être nazi et dire après qu'on n'est pas nazi, hein, c'est la morale de la famille Le Pen, hein, les bienfaits de l'extrême droite. Mais attention, je ne suis pas l'extrême droite. Elle a tout pigé, bravo. Alors terminons avec une synthèse de ce cours de morale politique. Quelles sont les fautes de cette autre petite fille? J'en ai fait beaucoup. Alors la plus grosse. J'ai jeté la règle de ma copine à la poubelle. Et voilà, n'en avoir rien à foutre des règles. C'est le point central et principal qu'il faut retenir de ce cours de morale politique. N'oubliez pas demain votre cours d'histoire avec Robert Forisson, votre cours d'économie avec Jérôme Kerviel et votre cours de maîtrise de soi et d'amitié entre les peuples avec Alain Finkielkraut. Bonne fin de journée à vous. Merci Guillaume. C'est une manière de révisionner l'histoire avec vous. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes toujours avec Samuel Le Bihan, Nicole Ferroni, évidemment Hippolyte Girardot, Alex Vizorek. Le sujet de le sommet contre le réchauffement climatique arrive à grands pas. Il débute le 30 novembre et les priorités commencent tout doucement à se dégager, assez clairement. Claude Bartolone est inquiet pour les embouteillages dans la région parisienne. Il faut dire que le sommet coïncide avec les élections régionales et il est candidat à la présidence de l'Île-de-France. Nous l'avons accompagné hier pour qu'il nous détaille cette inquiétude. Vous avez vu, c'est un Anglais. Anglais. Pas moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Et bien, c'est bon. Quoi? Regardez, un Suisse et un Allemand. Et alors? Et regardez, un Suisse et un Allemand. On n'est plus en France, ici. Bon, ben voilà, maintenant, on est derrière ma Belge. Belge. Pourquoi, les Belges d'entrée, vous les aimez pas? Ils nous polluent, les Belges. Tu te trouves Belge, je suis comme ça. Attendez, je vais le doubler, je vais le tripler. Les embouteillages selon Rabbi Jacob. Alors, vous aussi, Samuel Le Bihan, face à l'enjeu de la COP21, vous devez être très très inquiet pour les embouteillages en Île-de-France, j'imagine. Oui, c'est un moment important, la COP21. Ça se passe en France. François Hollande a décidé d'en faire un moment essentiel de son quinquennat. On voit qu'il arrive à entraîner. Il y a un espèce de grand mouvement international quand même. On voit qu'Obama aussi commence à se mobiliser sur la question. Il a dit on n'avance pas assez vite. Il est marrant, Obama. Hein. Il va avoir le prix Nobel d'environnement bientôt. Oui, il veut tout rafler. Non, il faut y arriver, quoi. C'est-à-dire que c'est essentiel. Là, c'est de la survie. On se rend compte qu'on vit à crédit, que des chiffres commencent à être posés. Là, on parlait de déplacement de population, on s'aperçoit que les océans sont pollués de plastique, on parle de septième continent, donc gros problème sur la gestion des déchets, la montée de le réchauffement climatique. Les embouteillages en Île-de-France. Les embouteillages en Île-de-France. Vous avez monté, vous, votre... Mais quand est-ce qu'il va sortir une connerie? On s'ennuie, là, quand même. On n'a pas l'habitude des gens qui disent des trucs intéressants. On a eu Maud Fontenoy à votre place. Elle ne fait que des conneries, on rigolait. Mais là, c'est bien aussi. Quand j'essaie de vous poser de questions sérieuses, il n'y a pas moyen. Vous avez monté votre propre association Earthwake. Et vous êtes notamment allé à Ouagadougou. Vous êtes allé voir le milieu associatif travailler. Ouais. Donc vous êtes très très engagé là-dedans. Vous êtes tout le temps dans l'avion, dis donc, ça met le bilan. Et votre bilan carbone. Oui, je ne suis pas en planeur. Hein, pour aller en Afrique, voilà. C'est sûr. Vous savez, le bilan carbone de la COP21, c'est quelque chose. Il va y avoir 195 pays représentés. Ils ne vont pas tous venir à vélo. Hein, donc c'est clair, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, à Ouagadougou, qu'est-ce que vous avez appris donc, de ce continent africain qui a d'autres soucis aussi que l'environnement? Oui. Ils ont déjà le souci d'avoir assiette le soir. Oui, pour expliquer, en tout cas, la mission d'Earthwake, c'est vraiment de lutter contre les pollutions plastiques. Et l'idée, c'est, comme justement il n'y a pas le tri sélectif dans tous les pays en voie de développement, c'est de proposer, de créer un marché du déchet plastique individuel. Donc on peut récupérer les sachets qui sont partout en Afrique, qui s'accrochent dans les arbres, que les animaux mangent. Voilà, les boîtes de sushi notamment, hein, qu'on retrouve pas mal dans les pays africains, toutes ces choses-là. Il y avait une vanne, je pense. Non, mais demandez-lui. Imaginez le manque de déchets, parce qu'il y a moins de déchets aussi, j'imagine. Et de le transformer en valeur économique. Sur les déchets basiques, comme je disais, c'est le bétail qui se met à le manger. Enfin, il y a un truc à la fois d'hygiène, parce que c'est générateur de maladies, d'environnement. Et donc l'idée, c'est de créer un petit marché en rachetant à peu près, c'est aux environs de 100 francs CFA le kilo de plastique, pour pouvoir le reconditionner, le transformer. Et donc on travaille là-dessus. Donc avec des associations et aussi des moyens techniques qu'on développe. Là, on travaille sur une machine qui retransforme les déchets plastiques en pétrole. Et qui les transforme mais au niveau d'un village. En revêtement de sol, etc. Ouais, alors il peut y avoir des pavés, peut y avoir du granulat aussi, qu'on peut remélanger pour refaire des objets plastiques. Enfin, On peut renvoyer vers Earthwake, je suppose que sur, en cherchant sur Google. Pour l'instant, on est vraiment dans la technique. Donc là, on vient d'avoir le label COP21. Donc on rentre dans le cercle des grands. Et puis on avance, mais on n'a pas encore fait de site internet, choses comme ça. On a compris que vous mettiez beaucoup d'espoir dans ce sommet qui débute donc le 30 novembre. À cette heure-ci sur France Inter, c'est un nouveau rendez-vous. C'est le moment d'Hippolyte Girardot, votre confrère, Samuel Le Bihan. Hippolyte, que n'avez-vous pas vu cette semaine? Que je n'ai pas vu cette semaine? Non, oui, ça n'a rien à voir avec le COP21. En même temps, ça fait un très bon titre de film de flics, donc oui. COP21, non, c'est des flics en côte d'or. C'est Verdigeon, c'est des flics Verdigeon. Non, mais l'autre jour, j'étais avec une copine, il faisait encore assez beau, on était dehors, une terrienne, et donc on prenait un café, et juste en face de nous, on voyait l'affiche du prochain film de Jaco van der Mel, qui a fait Toto le héros, le huitième jour, enfin tu sais tout ça bien sûr. Et donc là c'est le tout nouveau testament, c'est l'histoire de Dieu qui vit à Bruxelles. Mais pourquoi Bruxelles? Moi j'en sais rien. Le Conseil européen, moi, j'y crois pas. Parce que Dieu, c'est plutôt le Conseil mondial, non? Bon. Pour se faire des copains américains dans le Thalys et rencontrer Jean-Yves Gonglade, j'y crois pas. Voilà, ça me paraît improbable, quand même. Alors, pour payer moins d'impôts, et je me suis dit, non, ça, c'est pas possible, parce que Dieu, il est pas con. Il va pas aller en Belgique pour les impôts, mais moi, je sais que ça sert à rien d'aller en Belgique pour les impôts. Alors, je me dis, non, le film, peut-être, c'est La connerie par Dieu. Sauf que, bon, c'est Poulvord qui joue et c'est pas Gérard, donc le coach marche pas, donc c'est pas ça. Ah non, et j'ai compris, j'ai regardé l'affiche, je me suis dit, c'est le climat. Mais oui, parce que sur l'affiche, tu l'as vu l'affiche? Oui. Poulvord, il est en robe de chambre. Ouais. Et ma copine, très observatrice quant au style, parce que comme le dit Orson Welles, elle me l'a rappelé, le style, c'est qui vous êtes, hein, ce que vous voulez dire et ce dont vous n'avez rien à foutre. Ma copine me dit, ça lui va très bien la robe de chambre à Poulvord, quasiment aussi bien qu'à Jean-Pierre Marielle dans le film de Joël Seria qui s'appelle Comme la Lune, que les grands cinéphiles ici ont tous vu plusieurs fois. Ce qui est un immense compliment, parce que c'est l'Oscar du compliment en quelque sorte, parce que c'est énorme de dire à un acteur, j'imagine, bah tu vois très bien ce que je veux dire, qu'il a sorti sa réplique comme Marielle, par exemple dans Tenue de soirée. Ah, ça, c'est un vrai compliment. Ça, on se le prend dans la figure, on dit, bah merci, ça va, ma carrière est terminée. Et tout de suite, elle me dit, bah toi, ça tirait pas du tout. Je dis, ah bon? Non, ça tirait pas du tout. T'as pas le physique. Je la regarde comme ça, puis j'essaie de me souvenir en même temps, je me dis, mais en fait, oui, j'en ai porté une robe de chambre, je me souviens très bien. Et oui, c'est vrai. On aurait dit un vieux pervers psycho-killer déguisé avec des fringues de sa mère. Donc, bon, j'ai pas insisté, je lui ai pas rappelé parce que je vais pas lui donner des munitions pour qu'elle me tire dessus, c'est pas la peine. Bref. La colonne Maurice tourne, Dieu qui habite à Bruxelles en robe de chambre disparaît et là apparaît la femme de Dieu. La femme de Dieu. Elle est pas en robe de chambre, non, mais elle a un truc sur elle, je te jure, une sorte de cape, de liseuse, un poncho rose au crochet avec des fleurs cousues dessus qui doit être au catalogue des chiens, page 127. Elle doit exister en bleu ciel ou en mauve lit de vin quelque part, je sais pas, j'ai pas bien regardé, enfin c'est ça. Et je lis, Dieu créa sa femme. Alors là, je dois dire, Jaco van der Mel, il m'a bluffé, quoi. Il est quand même très précis, lui, par rapport à l'Ancien, enfin l'Autre Testament. Hein. D'abord, on sait que Dieu abrite à Bruxelles. C'est très précis, c'est pas générique. Et deux, il a créé sa femme, pas la femme en général avec la côte. Non, il a créé sa femme, la sienne. Et en plus, elle est belge. Elle est belge, puisque c'est Yolande Moreau, l'immense Yolande Moreau qui l'incarne. Et là, ma copine, qui est une fine connaisseuse de cinéma quand même, parce qu'elle connaît l'histoire des robes de chambre au cinéma, c'est quelque chose, et la nationalité des acteurs, c'est autre chose, non? Et elle me dit, mais en fait, le problème avec toi, c'est pas ton physique qui va t'empêcher de jouer Dieu. C'est pas ça le problème. C'est même pas que tu porterais mal la robe de chambre, hein, sans parler du poncho au crochet, ça évidemment, c'est que t'es pas belge. Voilà, c'est tout. C'est que t'es pas belge. Si t'étais belge, tu préfères Dieu, et même en combinaison de plongée. Je la regarde, je dis, ah bon, sérieux? T'as jamais pensé être belge? Elle me dit, belge. Elle dit, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi tu serais pas belge? Dis-moi juste, à quel acteur français on a donné le rôle de Dieu, hein? Et Dieu, c'est sérieux comme rôle, hein? C'est pas vigile dans un supermarché, hein? Non, c'est pas flic dans les écrins, hein? C'est pas milliardaire chez les pauvres, c'est Dieu, hein? Eh ben, qui on l'a donné? On l'a donné à un belge. Alors elle me dit, non, si tu veux continuer dans ce métier, c'est pas compliqué. Je vois que ça pour toi. C'est le belgiment. Voilà, la belgitude à la rigueur. Hippolyte Bravo. Gérardot, qui n'a Bravo. Pas ce vu le Nouveau Testament, le tout Nouveau Testament, mais qui l'a C'était réécrit. Pour vous, hein, quand même. Non, là, merci, Hippolyte. C'était donc le tout Nouveau Testament, puisque vous l'avez réécrit. allez, il est 17h52 sur Inter. On va aborder le troisième sujet, un conte de princesse, comme il en existe beaucoup à Monaco. Oh. Le jeune Anthony Martial, arrivé sur le Rocher pour 5 millions d'euros, a été revendu à Manchester United pour 60 millions d'euros, plus 20 millions de bonus, ça fait 80 millions. Voici comment ça se passe lorsqu'on signe un tel contrat. Vous m'avez bien trimballé, quoi. C'est normal, je suis un enculé. Hein. Ah non, j'ai pas dit ça, moi. Non, mais tu le penses tellement fort, ça s'entend. Oui, enfin, bon, vu ma position aussi... Alors, je suis un enculé ou je suis pas un enculé? Ah, dit comme ça, non. Eh ben, détends. Je suis un enculé. Derrière. Tu vois ça? C'est le contrat nickel, Sylvain. C'est moi qui l'ai signé. C'est moi qui l'ai empoché. Oh putain, l'enculé. Bon, mais les enculés, il faut des méthodes d'enculé. C'était oh, donc Samuel Le Bihan. C'était 3-0. C'était 3-0. Alors, avec Gérard Lombard. Voilà. 80 millions max s'il remplit les bonus. Hein, comment Anthony Martial, parce que j'ai découvert, moi. donc, j'ai vu que le. Alors, je ne m'y connais pas très bien, donc je vais laisser la main à Alex Vizorek. Mais le type a marqué 11 buts. Ça nous met le but à 7 millions. c'est normal, Samuel Le Bihan. Vous êtes dit en vous réveillant ce matin. J'sais oh, pas, l'enculé. Moi, je n'ai pas les moyens de m'offrir un. Mon frère, un footballeur, pourquoi dans le jardin, ça me dépasse, quoi. C'est oui. des On chiffres est tous un peu qui dépassés, sont oui. délirants, mais. Mais déjà, qu'est-ce que Monaco fout dans le championnat de France? C'est un pays. C'est le championnat de Monaco, terminé. J'ai une question par rapport à ça, parce que pour les comédiens, toute proportion gardée, on vous donne un chiffre, et il peut être de plus en plus haut. Et c'est pareil pour les footballeurs. Est-ce qu'on réfléchit au fait que, si on nous paye ce prix-là, c'est qu'on le vaut, au final? A priori, on est supposé ramener, en tout cas, générer un chiffre d'affaires suffisant pour rentabiliser la somme qu'on demande comme salaire. Comme n'importe quel employé d'ailleurs, mais ou grand patron. On a parlé de parachute doré là, dernièrement aussi. Oui, pour la catégorie. Est-ce que c'est la valeur de ce que la personne a pu créer? Là, c'est la même chose. Est-ce qu'il va remplir le stade? Est-ce que, a priori, non, c'est pas une star, donc il mise sur l'avenir. C'est un investissement. Ça met de la pression. Hippolyte Girardot, vous êtes d'accord avec Samuel Le Bihan là-dessus, sur ce qu'il vient de dire? Ouais, absolument. Mais je crois que c'est terrible parce que c'est vraiment l'esclavagisme en plein jour, quoi. C'est merveilleux. On est vraiment dans un monde extrêmement mondialisé et libéral. C'est la victoire. Vraiment, c'est la victoire du capitalisme. C'est vraiment Warren Buffett qui avait raison, quoi. La lutte des classes existe encore et c'est nous qui l'avons gagné. L'esclavagisme à 80 millions d'euros, vous allez expliquer à Spartacus. Hein. Mais lui, il touche pas. Hein. Tiens, en parlant de bifton, il y en a là-dessous aussi. C'est dans le sujet du sketch du jour, il y a du bifton. Est-ce que vous acceptez un rôle dans le sketch de fin? Peu de gens le refusent, Samuel Le Bihan, donc je vous mets la pression. Vous avez déjà joué du Vizorek ou pas? Attention, parce que le sketch de fin aujourd'hui, il se déroule à Marseille. Parce que la série Netflix qui s'appelle donc Marseille. Donc produite par Netflix, on a appris aujourd'hui que Gérard Depardieu jouerait le rôle du maire de Marseille. Donc je vous propose de voir un extrait de cette série. Vous êtes le maire de Marseille, alias Gérard Depardieu, Samuel Le Bihan, et Charline et Guillaume sont deux adjoints. On se rend à Marseille. Monsieur le maire, putain, elle est foutue, monsieur le maire. Calme-toi, tu surjoues là, on dirait un acteur de Plus belle la vie. Ah ok, pardon, je recommence. Monsieur le maire, on est foutu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros trafic de drogue avec les Russes sur la Canebière. Je sais, c'est moi qui l'organise. J'appelle Poutine tous les matins pour gérer la livraison. Mais vous le payez comment? Je lui envoie des caisses de mon pinard. Hein. Personne n'en veut en France. Ouais, monsieur le maire. Oui, pomponnette. Je vous laisse, moi j'ai rendez-vous sur le vieux port. Mais je suis là. Mais non, monsieur le maire, vous n'êtes pas si vieux que ça quand même. Elle est mignonne. Oui, parce que vous comprenez en même temps, monsieur le maire, c'est bien. Monsieur le maire, pour cette affaire de drogue, il y a un journaliste qui voudrait vous interviewer. Pardon? Un journaliste de la province qui enquête. Un journaliste qui enquête? À Marseille? Oui, c'est comme ça. On l'appelle Bernard Tapie. Ouais, bon, je lui dis quoi? Qu'il parie beaucoup d'argent sur la défaite de l'OM. Je m'occupe du côté sportif, même si en ce moment, il faut pas les pousser pour perdre. D'accord, ok, il comprendra? S'il comprendra, c'est même lui qui a inventé cette méthode. Ok, d'accord. Attends, oublie Tapie. L'interview vient de s'annuler. C'était c'était Samuel Le Bihan dans le rôle de Gérard Depardieu, oui, dans le rôle du maire de Marseille. On a vraiment reconnu Gérard Depardieu, là. C'est impeccable. Gérard Depardieu à Jeun. Quelle imitation. Vous faites formidablement bien Gérard Depardieu à Jeun, c'est quand même exceptionnel. Samuel Le Bihan, on peut vous retrouver dès demain soir à 20h55 sur France 2. Vous êtes Alex Hugo, cet enquêteur, un flic des bois, on peut dire. Il y a le flic des villes et le flic des champs. Oui, il est tout terrain, cet acteur. C'est incroyable. Oui, oui, voilà, vous aurez le bonheur de voyager une heure et demie à la montagne dans une intrigue trépidante et très émouvante aussi. Oui, alors il y a aussi un autre épisode qui s'appelle La Traque et qu'on pourra voir le 9 septembre sur France 2. Vous en tournez deux par an donc. Ouais, ouais. Et vous en profitez pour aller faire un peu de trekking parce que c'est absolument dans le parc national des écrins. Il se passe beaucoup de choses dans cette montagne tranquille. Finalement, il y a beaucoup de cadavres en fin de compte. Voilà, ouais. Au détour des randonnées. Donc on vous conseille vivement Alex Hugo, c'est avec Samuel Le Bihan. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Et puis on croise tous les doigts pour la COP21, parce qu'on a tous cette fibre environnementale autour de la table, n'est-ce pas ? Pour les embouts. Derrière la preuve, on a reçu Montre-moi, comme l'a rappelé Guillaume Meurice. Merci, on se retrouve bien sûr demain. Merci à tous. Le mot de la fin, qui ne résume pas vraiment l'exact contraire de cette émission, ou si, en fait. Enfin voilà, je ne sais plus. En fait, je ne sais plus quel est le mot de la fin, voilà, et diamétralement opposé. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Pourquoi ceux qui savent ne parlent-ils pas ? Parce que ceux qui savent, savent qu'ils ne savent rien. Donc ils se taisent.